En action, pages 14 et 15. Atteinte au cadre de vie. Incivilité du quotidien. Face à certaines incivilités et parfois au non-respect des espaces publics, les services municipaux interviennent de plus en plus dans le cadre de la lutte contre l'atteinte au cadre de vie. Depuis de nombreuses années, la ville de Château-Gontier-Bazouges favorise l'épanouissement des citoyens, notamment par le nettoyage régulier des rues de la commune. Cependant, certains réflexes ne sont pas automatiques pour tous. Les déjections canines est l'une des incivilités régulièrement constatées. Certains propriétaires canins ne respectent pas la règle de base, à savoir ramasser les déjections. Il faut rappeler qu'un arrêté municipal de novembre 2011 autorise les agents des polices nationales et municipales à verbaliser les propriétaires de chiens qui laissent souiller les trottoirs et les pelouses de la ville. Amende forfaitaire de 11 euros. En effet, en ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, les propriétaires participent non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à la prévention de risques sanitaires. Tout comme les dépôts sauvages, sacs poubelles, emballages jetés par terre, qui sont également passibles de contraventions de 68 euros. De plus, la collectivité ajoute à la verbalisation le déplacement, 21 euros, et le nettoyage effectué par les services de la ville, 35 euros de l'heure. D'autres incivilités, comme le bruit qui, réglementairement, devient gênant lorsqu'il est récurrent, peut émettre des tensions au quotidien. Les nuisances sonores constituent de nombreuses réclamations par les habitants. Ce simple désagrément peut devenir une réelle source de stress, portant atteinte à la qualité de vie. La vitesse fait elle aussi partie des contrariétés de tous les jours. Il est bon de souligner que près de la moitié des accidents mortels attribuables à la vitesse concernent les dépassements de moins de 10 km/h. De plus, limiter sa vitesse diminue la pollution et les nuisances sonores. Le stationnement gênant occasionne également des contraventions. Selon le code de la route, cette infraction entraîne le règlement d'une amende selon le délit. Pour exemple, un stationnement devant une porte de garage coûte 35 euros et sur un trottoir, 135 euros. Pour illustrer cet article, nous avons la photo d'une voiture sur un trottoir, devant une porte de garage et de nombreux déchets déposés en vrac dans une rue du centre-ville près d'un bac gris.